I'll see you on the dark side of the moon, chantait le groupe Pink Floyd en 1973. 45 ans plus tard, c'est chose faite par la Chine qui vient de poser pour la première fois de l'histoire un rover sur la face cachée de la Lune, une nouvelle pierre à l'édifice de sa stratégie spatiale. Et si la Lune, justement, était impliquée dans les éruptions volcaniques, une hypothèse qui permettrait de prévoir certains types d'éruptions qui surviennent a priori sans aucun signe annonciateur. Et que se passe-t-il sous le crâne d'un néandertalien? Pour le savoir, pourquoi ne pas tenter d'en reconstituer des fragments de cerveau à partir des données ADN? Face cachée de la Lune, volcanisme et cerveau de Néandertal, c'est le copieux programme de début d'année qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et en cette nouvelle année de 2019, on ne change pas une équipe qui gagne, notre équipe de champions de la vulgarisation. Toujours au poste, presque inutile de vous les présenter. Bonne année Cécile Lestienne. Bonne année Nicolas, bonne année à tous. Directrice de la rédaction de Pour la Science, bonne année Sébastien Carassou. Merci Nicolas, mais de même. De la chaîne YouTube de Sense of Wonder. Et bonne année à celui qui m'a si bien remplacé que j'ai failli rester une année entière en Antarctique. Bonne année Olivier Lascar. Vous allez effrayer les auditeurs. Bonne année Nicolas, bonne année à tous. Rédacteur en chef du pôle numérique de notre partenaire chéri, le magazine Science et Avenir. Et on reprend nos bonnes habitudes du vendredi. Elle est comme la mère Noël qui arrive en retard et qui descend du ciel avec ses actualités scientifiques par milliers. Vous avez échappé à Tino Rossi, Natacha Triou. Bonne année. Bonne année Nicolas. C'est le journal des sciences. Le journal des sciences. Et le premier sujet de ce journal, de ce premier journal des sciences de 2019, c'est une étude sur les problèmes de consanguinité chez les gorilles, Natacha. Oui, les gorilles de Grauer plus particulièrement, qui est une sous-espèce des gorilles de l'Afrique de l'Est. Depuis 2010, ils sont classés en danger critique d'extinction. Alors, il y a quelques années, une étude écologique avait montré une disparition de leur population très forte en République dominicaine du Congo, avec une perte de 80% des gorilles en 20 ans. En République démocratique du Congo, si je puis me permettre, dominicaine. Ah oui, non, pardon, je n'ai pas le même pays. La République démocratique du Congo. En effet. RDC, RDC, justement, c'est la perte d'habitat et le braconnage. Et plusieurs études se sont déjà intéressées aux conséquences génétiques d'une telle chute démographique chez ces primates. Alors là, les chercheurs ont analysé le génome d'une cinquantaine de spécimens. Ils les ont comparés à d'anciens échantillons conservés par les musées. Et les résultats montrent que ce déclin démographique a impacté la santé génétique des gorilles. Sabrina Krief est l'une de nos plus grandes primatologues. Elle est maître de conférence au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. L'étude, en plus, donc, s'est vraiment intéressée aux gènes qui pouvaient être les plus impactés par cette perte de diversité et donc montre qu'il y a, par exemple, des gènes qui sont impliqués dans l'immunité et donc ces gorilles pourraient être plus susceptibles aux maladies infectieuses. Et d'autre part, une baisse aussi de la fertilité, par exemple chez les gorilles de montagne, ou encore une augmentation de la susceptibilité aux malformations. Ça pourrait expliquer un aspect qu'on voit fréquemment chez les gorilles de montagne, qui est une fusion des doigts, et tout particulièrement des doigts de pied. Donc, pour les gorilles de montagne, en fait, il reste moins d'un millier d'individus séparés en deux populations entre trois pays. Donc, le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Donc là, on imaginait bien qu'il y avait une certaine consanguinité au sein de ces sous-populations. Mais pour les gorilles de Grauer, dont l'habitat était plus large, on pensait que peut-être l'impact n'était pas aussi important des menaces qui pesaient sur eux. Alors ce qui est important avec ces études sur les grands singes, hein, ces mammifères charismatiques, c'est qu'on attire l'attention sur des espèces phares, mais ça signifie, hein, que des centaines d'espèces sont sujettes aux mêmes problèmes. C'est le cas par exemple des tigres blancs ou des orang-outans en Asie du Sud-Est. Les sous-populations sont si peu nombreuses que cela ne permet pas de maintenir une diversité génétique et donc la viabilité des groupes persistants. Les résultats de cette étude suggèrent donc que ces déclins de population peuvent avoir de graves conséquences à long terme sur la survie des espèces. Et selon Sabrina Krief, la façon même dont sont préservées ces espèces est problématique. Ce qui est très intéressant dans les études récentes, c'est que les analyses montrent qu'en fait, ce sont principalement les populations périphériques qui ont subi le plus ces menaces, alors que ces populations, même si elles ont une perte de diversité génétique, sont celles qui, au final, pourraient enrichir à nouveau les populations qui, les plus importantes qui restent. Donc les études récentes montrent à quel point il ne faut pas négliger ces populations qui souvent sont en dehors des aires protégées, et que toutes les initiatives, qui sont par exemple des initiatives des communautés locales, peuvent avoir vraiment un rôle très important en protégeant des petites populations résiduelles. Ces résultats montrent à quel point il est important de faire tout notre possible pour maintenir la diversité des populations, qu'il ne s'agit pas de garder des individus dans une zone de forêt en se disant une sorte de grand zoo, hein, qu'on va pouvoir les préserver de cette façon-là, mais que c'est bien les différentes petites sous-populations qu'il faut conserver avec des zones d'échange possibles de façon à maintenir la diversité génétique. Sinon, évidemment, la survie est très compromise. Et en bref, depuis mardi, la sonde de la NASA New Horizons survole l'astéroïde Ultima Thule, l'objet le plus lointain que nous connaissions dans notre galaxie. Et depuis son lancement il y a 12 ans, la sonde a pour mission l'étude du système plutonien et de la ceinture de Kuiper, la région la plus reculée de notre système solaire. En 2015, la sonde survolait Pluton. Aujourd'hui, elle est à plus de 6 milliards de kilomètres de la Terre et elle nous envoie les premières images donc d'Ultima Thule. C'est un astéroïde minuscule, il fait 20 à 30 kilomètres de diamètre, il est rouge-brun et avec ses deux sphères collées l'une à l'autre. Il ressemble à une grosse cacahuète ou un bonhomme de neige, mais la NASA le considère comme un fossile très précieux du système solaire. Et tout de suite, une rectification de Sébastien Carassou, c'est pas l'objet le plus lointain qu'on connaisse de la galaxie ? Pas de la galaxie, non, du système solaire. Du système solaire, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit la galaxie, mon Dieu, mais oui, non. Pas le seul, car France Info TV a fait la même erreur. Oui, mais on essaye d'être un peu plus précis. Évidemment, du système solaire, décidément, c'est le début de l'année, il faut se re-roder. Allez, on continue. Allez, le deuxième sujet de ce journal, dans Science, dans la revue Science aujourd'hui, la publication d'un modèle de physique pour décrire l'hydrodynamique des foules. Alors pour comprendre le mouvement d'une foule, cette équipe française est partie d'un principe simple. La foule est un matériau comme un autre. Ils ont observé les coureurs d'un marathon, celui de Chicago en 2016. C'est une course qui rassemble 30 à 40 000 individus, une foule extrêmement dense qui se prête bien à la mécanique des milieux continus. Et ils se sont intéressés à une zone particulière, la zone de départ. Ils ont mesuré tout du long la vitesse et les mouvements des coureurs comme un liquide qui s'écoule. Ils en ont tiré un modèle qui a été capable de prédire les mouvements des coureurs du marathon de Paris en 2017. Alors là, la grande nouveauté de ce travail, c'est que jusqu'à présent, les modèles existants reposaient toujours sur des hypothèses comportementales fortes. Denis Bartolo est professeur de physique à l'École Normale Supérieure de Lyon. Il a dirigé cette étude et il nous parle de la particularité de sa méthode. Cette méthode, elle est complètement analogue à celle que vous utilisez, par exemple, pour sonder les propriétés mécaniques d'un matériau. Alors, si vous pensez à un matériau solide, une façon de tester ses propriétés mécaniques, eh bien, ça consiste à venir solliciter, en lui appuyant dessus sa frontière, en appliquant une force donnée, vous allez mesurer la déformation, et la relation entre la force et la déformation, vous vous renseignez sur les propriétés mécaniques. Et c'est exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire que quand on a observé les foules répondre aux mouvements répétés des organisateurs, on a pu voir effectivement que des ondes de densité et de vitesse se propageaient dans la foule. Et en étudiant la propagation de ces ondes, on a pu effectivement décrire quantitativement les règles de l'hydrodynamique des foules. Ça, c'est la première fois que justement on a un modèle physique testé expérimentalement. Exactement, je crois que ça c'est le point clé. Nous, notre point de vue, ça a été de dire tous les piétons obéissent, comme tous les autres objets macroscopiques qui nous entourent, aux lois de la mécanique. Et en particulier, ils obéissent à deux lois de conservation. Ce qu'on appelle la conservation de la masse, ça c'est la première loi. Et la seconde loi, c'est une loi de physique qui est très simple, ce qu'on appelle la conservation de l'impulsion. Bon, ben, ces deux lois sont suivies par l'intégralité du système macroscopique qui nous entoure. Les foules humaines n'échappent pas à la règle. Et en bref, une étude parue dans la revue PNS revient sur ce morceau de croûte terrestre qui est manquant et dont on avait du mal à trouver des explications justement sur cette disparition. Alors cette croûte terrestre manquante, hein, c'est ce qu'on appelle la grande discordance. C'est l'un des mystères les plus persistants de la géologie. Hein. Dans les archives géologiques de la planète, un morceau semble avoir disparu. C'est ce qu'on peut observer par exemple au Colorado devant les différentes strates du Grand Canyon. Alors là, dans cette étude, cette disparition serait le fruit d'une érosion glaciaire. Les géologues relancent la théorie de la Terre boule de neige. Et selon eux, la planète était quasi recouverte de glace il y a 700 millions d'années. 2019 sera l'année internationale du tableau de Mendeleïev pour l'UNESCO. Oui, le tableau périodique des éléments fête son 150e anniversaire. Pour tous les chimistes et physiciens, aujourd'hui, cette table reste la référence. Par ailleurs, en 2016, 4 nouveaux composés ont rejoint les 114 éléments du classement. Pour célébrer cette invention, l'UNESCO organise une centaine d'événements à travers le monde. Et pour conclure, comme chaque semaine, là aussi on garde les bonnes habitudes par notre rubrique de science improbable, le lendemain de fête oblige, les neuroscientifiques ont trouvé une réponse à la question pourquoi l'alcool, beaucoup trop d'alcool, ce qui est évidemment déconseillé, nous fait perdre la mémoire, Natacha. Alors le vieil adage voudrait que l'alcool tue les cellules du cerveau. Alors c'est plus complexe que ça. L'alcool interfère avec les récepteurs NMDA, des récepteurs qui sont impliqués dans la formation de la mémoire. Ils bloquent le PLT, la potentialisation à long terme, et donc les connexions synaptiques et le taux de transmission entre les neurones. En d'autres mots, sous une trop grande quantité d'alcool, le cerveau ne produit pas de souvenirs. Alors par ailleurs, c'est aussi le défi de janvier au sexe. Au sec, janvier sans et ben voilà, le janvier, voilà, janvier sans alcool. C'est pas le même défi, c'est pas la même nature de défi. Et donc, allez, on termine. Parce que justement, l'an dernier, dans l'université de Sussex, un chercheur a suivi 1700 participants. Après un mois d'abstinence, les bénéfices sont indéniables. Un mois sans alcool, ça donne une meilleure qualité de sommeil, une meilleure qualité de peau, perte de poids, réduction de la consommation d'alcool sur le long terme, arrêt du tabagisme, et puis de fait, moins de trop de mémoire. Voilà. Et puis, l'histoire ne dit pas si ça nous fait moins bafouiller ou moins dire de bêtises dans le journal des sciences. En tout cas, on va rester à l'eau jusqu'à la fin de cette émission. Il fait chaud d'un seul coup. Alors, allez, on va reprendre notre sérieux. Peut-être petit tour de table, peut-être. On va évidemment parler tout à l'heure, dans quelques instants avec Sébastien, de l'autre grande actualité de la semaine, qui est le rover chinois sur la face cachée de la Lune. Mais peut-être un mot sur Ultima Thule, justement, Sébastien. Oui, d'ailleurs, il faut déjà célébrer... Au confin du système solaire, absolument, donc. Absolument, tout à fait, c'est bien de le répéter. Donc, c'est quand même assez impressionnant qu'on arrive à s'approcher comme ça d'un objet qui se trouve à 6,4 milliards de kilomètres avec un décalage de 6 heures dans les commandes qu'on envoie à la sonde. Et voilà quoi. Enfin, il y a un exploit technique à célébrer déjà. Ensuite, Ultima Thule, c'est un agrégat de roches. Et cet agrégat de roches, il est resté intact pendant 4,5 milliards d'années. Donc, ça a suivi la formation du système solaire et c'est resté intact pendant 4,5 milliards d'années. Donc, c'est des reliques précieuses qui nous permettent de reconstruire l'histoire du système solaire. Et avec Ultima Thule, on a un objet qui est quand même assez représentatif des premières étapes de la formation des planètes. Donc c'est quand même intéressant. La suite de l'aventure de New Horizons, jusqu'à quand est-ce qu'on va pouvoir continuer à communiquer, à interagir avec cette sonde, puisque ça fait longtemps qu'elle est partie. Il reste un tout petit peu de fuel pour faire un dernier flyby, une dernière visite d'un dernier objet. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment la sonde. Ben, ça dépend de ce qu'elle va croiser autour d'elle, en fait. Donc on verra d'ici les prochaines années. La NASA n'est pas encore sûre. Elle n'a pas encore fait d'annonce là-dessus. D'autres réactions sur ce journal des sciences, peut-être Cécile, un mot sur. On en avait parlé ici, sur la difficile préservation des espèces menacées. On voit bien que plus les populations se réduisent, déjà à l'état sauvage, ça crée des problèmes d'inbreeding, de consanguinité, et que quand il ne reste plus que quelques individus, ça devient de plus en plus difficile de procéder à des actions de conservation. Oui, en tout cas statistiquement, c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile. Si ça favorise effectivement l'émergence ou l'installation de maladies génétiques diverses et variées. Ce qui est inquiétant dans cette histoire-là, c'est que c'est effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, Zoé, c'est que... C'est Natacha. Natacha, ah bah voilà, ça continue, c'est ça avec le fil conducteur voilà, de l'émission. Hein, allons-y. C'est que, effectivement, c'est très inquiétant pour les gorilles, ça on a compris, mais que c'est probablement inquiétant pour des tas d'autres espèces qui sont moins chères à nos cœurs, parce que on les voit moins, on les connaît moins, elles sont plus petites et ça nous est égal, mais voilà, c'est quand même vraiment embêtant pour la biodiversité. Olivier. On peut rappeler l'initiative justement de Sabrina Krief il y a quelques mois qui avait agrégé autour d'elle un aéropage assez hétéroclite puisqu'il y avait Madame Parisot, l'ancienne patronne du MEDEF et d'autres personnalités. C'était pour lancer un appel à ce que les grands singes aient un statut particulier qui les différencie évidemment des hommes mais qui leur donne une position particulière au rang des espèces animales. pour donner des outils de préservation adaptés et particuliers. Alors, elle avait lancé quelque chose qui n'a pas percolé jusqu'à présent, mais ça viendra peut-être. Un dernier mot aussi, peut-être, Olivier, sur Ultima Thule ou sur ce journal des sciences en règle générale. Eh bien, Ultima Thule, moi j'étais fasciné de découvrir qu'elle était rouge. Je trouve ça très intriguant, une astéroïde rouge, un bonhomme de neige rouge. Et puis c'est un objet, effectivement, il y a quelques mois, je crois qu'on ne savait même pas qu'il existait. Et pouvoir s'en approcher aujourd'hui et avec ce degré de précision, c'est effectivement extraordinaire. On peut rappeler quand même que l'Europe, avec Rosetta, avait fait un exploit qui n'est peut-être pas exactement comparable, mais qui était quand même de l'ordre du rendez-vous extrêmement lointain avec un astre, avec un astéroïde, et que l'Europe avait devancé les États-Unis dans une certaine mesure à cet égard. Et puis on va, dans très peu de temps, d'ici quelques jours, voire quelques petites semaines, consacrer une émission entière à cette ceinture de Kuiper, donc cet ensemble d'astéroïdes qui est aux confins de notre système solaire, qu'on connaît un peu, mais qu'on ne connaît pas si bien que ça. On aura une heure entière pour en parler. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Voilà, des notes qui rappelleront une ancienne série animée aux plus quadragénaires d'entre vous à 16h16, puisqu'on en a mis des choses sur cette face cachée de la Lune. On y a mis donc le camp de la Lune Noire des forces de Vega, issu du dessin animé Goldorak, que vous aurez peut-être reconnu. On y a mis des Sélénites, on y a même réfugié des nazis pour fomenter leur revanche après la défaite de la Seconde Guerre mondiale. Rien de tout ça, en tout cas, on en est désormais sûr grâce à la mission Chang'e 4 qui s'est posée hier dans le cratère von Karman, et donc pas l'ombre d'un Golgoth ou d'une force de Vega à l'horizon, Sébastien Carassou. Absolument, en tout cas pas encore, parce que la sonde vient de se poser, et donc on ne sait toujours pas ce qu'on va y découvrir jusqu'à présent. Mais donc la région où s'est posée la sonde Chang'e 4, elle est intéressante scientifiquement parce qu'elle contient probablement à sa surface des matériaux qui proviennent du manteau lunaire. Et donc l'atterrisseur, il a déployé hier son rover, U2, littéralement le lapin de Jade 2, sur la surface lunaire, et elle nous a envoyé des belles images du rover qui semble se diriger vers un cratère. Malheureusement, il n'y a aucune précision qui a été donnée jusqu'à présent sur le lieu exact d'atterrissage de l'engin, parce que l'Agence spatiale nationale chinoise, elle répand des informations sur la mission un petit peu au compte-gouttes. Et donc le suspense, il a été un petit peu total jusqu'à l'atterrissage, notamment parce que la Chine a tenu à garder le secret jusqu'au bout en cas de, de mauvaise presse, en cas d'échec. Donc on est un peu loin des retransmissions en direct des missions de la NASA qui sont commentées à chaque minute. Par ailleurs, il y a aussi un problème de transmission de l'information. Mais alors, justement, peut-être pour revenir à l'origine de cette mission Chang'e 4, je ne sais pas très bien, Chang'e, on va essayer de s'arrêter Chang'e sur cette prononciation. Là, pourquoi est-ce que c'est un événement, puisque cette face cachée, finalement, on la connaissait, elle avait été photographiée plein de fois, on la découvre pas totalement, en fait. Ouais, on pourrait se dire qu'on la connaît, qu'on y est déjà allé, on a marché sur la Lune et tout ça, on pourrait se dire qu'on connaît la face cachée de la Lune, mais en fait, pas du tout. Il a fallu attendre 1959 pour qu'on puisse avoir les premières images de la face cachée, grâce à la sonde soviétique Luna 3. On a aussi eu une poignée d'astronautes des missions Apollo qui ont eu la chance de la voir de leurs propres yeux, et les meilleures images qu'on a aujourd'hui, elles viennent de la sonde LRO, Luna Reconnaissance Orbiteur de la NASA. De l'avoir de leurs propres yeux en orbite, hein, parce qu'ils n'y avaient pas posé les pieds. Tout à fait. Personne n'y a posé les pieds jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à hier, du coup. Les roues, en l'occurrence. Les roues, tout pas à les fait. Pieds. Donc, si vous regardez les images de la face cachée de la Lune, vous verrez qu'en fait, les deux hémisphères de la Lune sont radicalement différentes. Alors que la face qu'on peut voir tous les soirs, elle est relativement lisse. Sur la face cachée, le paysage, il est plutôt accidenté et montagneux, avec des cratères et des cratères sur les cratères. Donc, c'est un peu étonnant. Et une autre caractéristique de la face cachée, c'est que la croûte qui forme sa surface, elle est plus épaisse et elle présente beaucoup moins de taches sombres que la face visible. Et donc, ces taches grises et sombres, on les appelle des mers lunaires, et vous pouvez les voir tous les soirs à l'œil nu, et c'est en fait des sites d'anciennes coulées de lave qui ont séché depuis des milliards d'années. Mais les modèles de formation de la Lune, qui expliquent la formation de la Lune aujourd'hui, donc je rappelle un petit peu le modèle de formation de la Lune, qui est la théorie la plus acceptée aujourd'hui, et donc cette théorie, elle nous dit qu'il y a 4,5 milliards d'années, la jeune Terre, elle est entrée en collision avec un caillou de la taille de Mars, qu'on appelle parfois Theia, et donc l'impact, il a été tellement violent qu'un nuage de débris a été éjecté dans l'espace. Et donc ces débris ont fini par s'agglutiner en quelques heures, voire quelques mois, selon les modèles, pour former notre Lune. Mais le problème avec cette théorie, c'est qu'elle ne suffit pas à expliquer pourquoi les deux hémisphères de la Lune sont différentes. Donc il y a un mystère à résoudre. Et donc l'un des scénarios plausibles pour expliquer cette différence, c'est que la Lune, dans ses jeunes années, elle aurait eu un compagnon. Donc en gros, notre planète aurait eu deux Lunes pendant les premiers 10 millions d'années de son existence. Et donc l'orbite de cette deuxième Lune, elle aurait été elle aurait ensuite été instable et elle se serait crachée sur la surface de la Lune en éclaboussant la surface de notre satellite et ce qui serait à l'origine de son paysage accidenté. Donc ce scénario, il a été proposé en 2011 et il est soutenu par des simulations informatiques. Mais pour savoir si ce scénario il est confirmé ou pas, il nous manque encore des données sur la composition des roches de la face cachée et des données qui devraient plus tarder à venir maintenant parce qu'on s'est posé dessus maintenant. Alors ça, c'est on comprend bien du coup les enjeux hein, importants, les enjeux scientifiques de se poser sur cette face cachée. Quelle va être exactement la mission de ce rover? Quels sont les instruments qui sont embarqués? Quelle science il va pouvoir faire précisément, Sébastien? Alors la mission de Chang'e 4, elle possède pas mal d'instruments scientifiques qui vont nous aider à mieux comprendre les processus qui ont construit la face cachée de la Lune. Donc le rover, par exemple, il possède une caméra, un radar qui va sonder la structure de la croûte lunaire sur une profondeur de 100 mètres à peu près, et un spectromètre qui va étudier la composition chimique du sol lunaire. L'atterrisseur, quant à lui, il possède une caméra aussi, mais aussi un dosimètre qui va lui permettre de mesurer la quantité d'eau que contient le sol lunaire, ainsi qu'un instrument qui va mesurer les ondes radio en basse fréquence. Donc comme la face cachée de la Lune n'est pas polluée par les ondes radio que la Terre elle émet en permanence, ça fait un petit peu un lieu parfait pour capter les signaux en provenance de l'époque où l'univers formait ses premières étoiles. Et donc l'atterrisseur, il emporte aussi une expérience un petit peu insolite, un conteneur en aluminium qui sera rempli de graines de patates, de petites plantes qu'on appelle des arabettes de dame, et des insectes vivants pour tester l'effet de la gravité lunaire sur le développement d'un petit écosystème. Donc depuis hier, il y a des patates et des insectes sur la Lune, c'est quand même pas banal. Mais dans un milieu confiné, qui ne sont pas sur la surface de la Lune. Tout à fait, tout à fait. L'idée, c'est de voir comment la gravité influe sur le développement de cet écosystème. Et donc l'idée, c'est d'étudier si les conditions lunaires sont favorables à une installation permanente d'humains sur la Lune, parce qu'on sait que la Chine, elle compte devenir le deuxième pays à envoyer des humains sur notre satellite d'ici 2036. Quels sont aujourd'hui les obstacles ou la prouesse technique, parce que c'est beaucoup plus compliqué, on l'évoquait il y a quelques secondes, de se poser et de communiquer du coup avec des instruments ou ce rover qui est sur la face cachée, bah, parce qu'elle est sur la face cachée, donc qu'il y a la Lune entre nous et ces instruments précisément. Absolument, c'est pour ça que les USA et la Russie n'ont pas encore tenté cet exploit. Il fallait quand même insister sur ce défi technologique que représente cette mission, parce que comme la Lune présente toujours la même face sur Terre, bah, l'atterrisseur ne pourra pas communiquer directement avec la planète, parce que les communications elles sont bloquées par la Lune elle-même. Donc la solution qui a été trouvée, c'est de placer un satellite qui s'appelle Chuichao, qui va servir de relais de communication. Donc le satellite il a été lancé en mai 2018 et il s'est garé à 65 000 km du sol lunaire, sur un point d'équilibre gravitationnel qu'on appelle le point de Lagrange L2, qui est un peu le spot parfait pour avoir en permanence une vue de la face cachée et de la surface de la Terre en même temps. Et d'ailleurs, il y a quelques heures, on a reçu les premières images de Chuichao qui nous montrent exactement ce que je viens de décrire. Et qu'on a posté évidemment sur le fil Twitter de la méthode scientifique @laméthodefc. Ce qui est intéressant, c'est que ce programme Chang'e 4, c'était pas tout à fait prévu en fait que la Chine se pose sur la face cachée de la Lune au départ. On a réorienté une mission parce que la mission précédente, Chang'e 3, c'était vraiment très très bien passé. Alors très très bien passé, ça dépend à qui on demande en fait. Elle a tenu 14 jours selon les officiels chinois, ça s'est très très bien passé. Mais d'ailleurs, le premier rover U2 qui est sur la face visible de la Lune, il fonctionne toujours, il est toujours en hibernation. Voilà. Mais on l'a mis en hibernation pour ne pas déranger son petit frère qui est en train de travailler sur l'autre côté. Donc la sonde Chang'e 4, c'est la quatrième sonde du programme Chang'e qui a commencé en 2007. Et donc la sonde et son atterrisseur sont d'ailleurs des modèles de rechange de la mission Chang'e 3 qui a été lancée en 2013 et qui a été la première mission chinoise à se poser sur la Lune. Et il y aura une suite, Chang'e 5 normalement. Tout à fait, Chang'e 5 qui est toujours en développement aujourd'hui et qui est prévu pour un lancement en 2019. Et là il s'agit d'une mission encore plus ambitieuse parce qu'elle prévoit de ramener sur Terre 2 kilos d'échantillons de sol et de roches lunaires en provenance de la plus jeune des mers lunaires. Donc ça ce sera pour au moins 2019. Ce qu'on voit là-dedans, Sébastien, c'est qu'effectivement, et on en avait parlé autour de cette table, les ambitions spatiales de la Chine, c'est toujours un peu nébuleux, c'est-à-dire que c'est jamais très clair, c'est jamais complètement, on sait jamais exactement quel est le budget de l'agence spatiale chinoise, tout ça se fait un peu comme ça, c'est vraiment un instrument très très politique à nouveau de la Chine. Tout à fait, mais il y a aussi un côté très symbolique et de fierté nationale dans cette mission Chang'e 4 à assurer que la Chine soit une puissance spatiale comme une autre et qu'elle puisse réaliser elle aussi des collaborations qu'elle voudrait avoir et avoir des données que personne n'a. Et c'est intéressant parce qu'on on pourrait se dire que finalement en 2018, retourner sur la Lune en 2019 maintenant, retourner sur la Lune, ça n'a finalement plus beaucoup d'intérêt scientifique. Est-ce que c'est vraiment faire de la science intéressante de dépenser des budgets de cette ampleur-là? Manifestement oui. Et puis la Chine a vraiment des ambitions lunaires. lunaire affichée, vous le disiez tout à l'heure, avec l'ambition non pas seulement de remettre des hommes sur la surface de la Lune, mais d'y mettre des hommes, peut-être une base même permanente. Tout à fait, une base permanente qui pourrait assurer la continuité de l'exploration spatiale humaine dans les années à venir. Mais ce qui est quand même intéressant de remarquer, c'est que la Chine ne demande d'aide à personne. Elle réalise son petit chemin à elle toute seule. Et on ne sait pas trop où ça va jusqu'à présent parce que c'est toujours très nébuleux. Voilà. C'est intéressant, Olivier, de revoir des images de la Lune. On avait perdu un peu l'habitude de voir la Lune, de voir des images de rovers sur la Lune. On était tous fascinés par les images de Curiosity, de Mars. Il y a eu ces nouvelles ères lunaires qui viennent de commencer un peu grâce à la Chine, impulsée par la Chine. La Lune demeure passionnante et elle demeure passionnante pour faire de la science, j'ai l'impression, hein, puisqu'il y a quand même aussi des projets pour installer des équipements et pas simplement pour l'exploration spatiale, pas simplement pour faire de la Lune marche-pied pour Mars. Il y avait un papier dans le magazine La Recherche, dont on a parlé ici d'ailleurs, un entretien avec un astrophysicien qui s'appelle Joseph Silk, qui explique qu'on pourrait installer un radiotélescope sur la face cachée de la Lune, et ça serait l'endroit où on serait complètement préservé des signaux parasites qui viendraient de la Terre, par exemple, puisque, il faut le redire, ça reste toujours un peu mystérieux, mais la face cachée de la Lune, elle est toujours cachée. Enfin, la Lune nous présente toujours son même visage. Et ce radiotélescope sur cette face cachée, elle serait orientée vers des régions qui permettraient de scruter ce qu'ils appellent les âges sombres de l'univers. Une période qui aujourd'hui est celle qui nous sépare du Big Bang, mais tout en restant relativement proche, et qui nous donne donc des informations sur ces âges premiers de notre univers. Ça, ce serait assez passionnant d'arriver à faire quelque chose comme ça, d'autant plus que le radiotélescope en question, c'est quelque chose qui est techniquement est plutôt facile à faire. C'est des ondes, c'est pas très tarabiscoté, quoi. Voilà. Donc oui. Et puis les images sont fascinantes. Hein. Ça reste alors qu'on va fêter les premiers pas de l'homme sur la Lune. Hein, Cécile. C'est juste ce que j'allais souligner. C'est un joli anniversaire cette année. On va effectivement fêter les premiers pas de l'homme sur la Lune et on va bientôt y retourner, donc visiblement. Non, ça reste toujours assez fascinant. On a l'impression qu'il y a un vrai renouveau. Pendant tout un moment, on disait exploration spatiale, c'est fini, c'est terminé. Mais c'est vrai qu'il y a une. Et là, on sent qu'il y a à nouveau des intérêts scientifiques et économiques derrière. Et géopolitiques. Voilà. En termes de géopolitique spatiale, Olivier. Non, mais c'est, vous disiez, Nicolas, on voit pas trop ce qu'ils ont derrière la tête, très clairement. Il y a la face cachée de la Chine aussi, là, hein, parce que c'est compliqué de voir ce qu'ils ont en tête. Le lapin de jade, c'était quand même le premier lapin de jade, ça a été un échec plutôt. Enfin, il s'est arrêté de fonctionner. Je sais pas si c'est à ça que tu faisais référence. Oui, tout à fait. Ouais, 14 jours après son fonctionnement, il s'est juste arrêté. Enfin, on sait pas trop exactement ce qui s'est passé. Donc là, évidemment, on célèbre le succès de la Chine et de la Chine spatiale. Il y a quand même des faux pas aussi, donc c'est très difficile de voir clair dans leur intention. On avait consacré une émission entière justement aux ambitions spatiales de la Chine, et effectivement, je parle sous votre contrôle, Sébastien, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que la conquête spatiale chinoise va à marche forcée, avec effectivement beaucoup d'échecs, avec beaucoup de déchets. On n'en parle pas, tout ça est très obscur, on ne connaît pas le budget, une fois de plus, de l'agence spatiale chinoise. Mais en tout cas, ils veulent aller très très vite et avoir des résultats très vite, avec notamment aussi le projet d'une station spatiale qui va remplacer l'ISS aux alentours de 2020, entre 2025 et 2030. Oui, c'est le palais céleste. Le fameux palais céleste. Non, mais sur cette ambition spatiale à marche forcée, en fait, c'était ça. Jusqu'à présent, la Chine s'est entre guillemets contentée de piquer des technologies à droite et à gauche pour faire des missions qu'elle voulait, et on commence à avoir une espèce de renouveau de l'exploration spatiale chinoise. Alors, effectivement, c'est bien de souligner que c'est aussi une conquête spatiale, en même temps qu'une exploration, à cause de ces enjeux géopolitiques derrière, quoi. Mais on commence à avoir des innovations du côté de la Chine qui sont assez intéressantes. Is on the grass. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room upon the hill, and if your head explodes with dark foreboding too, I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. And if the band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side of the moon. I'll see you on the dark side of the moon, Brain Damage de Pink Floyd, sur l'album, évidemment, Dark Side of the Moon. C'était un incontournable puisqu'on vient de parler de la face cachée de la Lune et qu'on va continuer à parler de la Lune, mais de son influence cette fois-ci sur la Terre. Alors non pas sur la repousse des cheveux, sur la criminalité ou sur les accouchements de femmes enceintes, mais sur la volcanologie. Oui, parce qu'on en prête beaucoup d'influence de la Lune, vous savez, Cécile. Mais en l'occurrence, celle qui est attestée, et aussi curieux que cela puisse paraître, c'est bien que la Lune pourrait avoir une influence sur l'activité de certains volcans, des volcans dont on ne sait précisément pas prévoir les éruptions. Oui, dans ce numéro de Pour la Science, là, nous publions un papier d'un vulcanologue, Corentin Caudron, qui est à l'Institut des Sciences de la Terre à Chambéry, qui montre qu'ils ont trouvé des indices forts qui montreraient que la Lune a une influence sur certains volcans, en tout cas au moins sur un volcan. En l'occurrence, le Ruapehu, qui est un volcan de l'île Nord de la Nouvelle-Zélande. Et voilà, et pas du tout sur la pousse des cheveux et tout ça. Ce n'est pas du tout une fake news ou la métamorphose des loups-garous. Non, c'est plutôt arrangé du côté des études. Alors là, pour le coup, bien connu. Sur l'influence gravitationnelle de la Lune sur les marées, et voilà, qui provoque les grandes marées, les basses mais et donc on sait effectivement que ça, les grandes marées, c'est que c'est connu depuis longtemps, que la Lune, que l'influence gravitationnelle de la Lune a une influence sur la croûte terrestre elle-même, mais c'est de l'ordre de quelques kilopascals, quelques dizaines de grammes par centimètre carré, et bon, on n'imagine pas que ça puisse provoquer ni séisme, ni réveil de volcan, évidemment. Peut-être un mot justement sur ce volcan Ruapehu, parce que c'est un volcan particulier. C'est un volcan d'un type particulier. C'est-à-dire que c'est un volcan dont, malgré toute l'instrumentation qu'il pouvait y avoir, etc., dont les éruptions surviennent. On appelle ça des blue sky events, des événements comme surgis du ciel bleu. Oui, enfin plus exactement, c'est un volcan qui fait des éruptions phréatiques. Voilà. C'est pas des éruptions magmatiques, c'est pas l'Etna où vous avez des grandes coulées de lave rouge qui sont très jolies et qu'on connaît un peu mieux. C'est des éruptions phréatiques parce que ce type de volcan, c'est un peu comme des cocottes minutes et quand ça saute, ça envoie dans l'espace de la vapeur d'eau, des gaz, mais aussi des roches et des cendres brûlantes et c'est très dangereux évidemment parce que ça retombe sur Terre et voilà. Et on a beaucoup de mal à prévoir ce type d'éruption. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se demande si, qu'on cherche de toutes les façons possibles à pouvoir trouver des moyens de les prévoir, parce que la plupart du temps, on les voit pas venir. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les blue sky events, des événements dans le ciel bleu, ou enfin bref, c'est la catastrophe que vous n'avez pas vu venir. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs le 25 septembre 2007 à ce volcan, voilà, en pleine nuit probablement. Heureusement, voilà, il est entré en éruption. On a vu une colonne de gaz et de vapeur d'eau monter jusqu'à presque 5 km de haut, hein, puis retomber. Il y a eu des lahars. Les lahars, c'est ces coulées de boue qui arrivent après ce type d'éruption et qui arrachent tout sur leur passage. Heureusement, il n'y a eu que deux alpinistes blessés, mais enfin quand même, voilà. Et alors, on sait que parfois, il y a des signaux, mais ce sont des signaux toujours très, très, très faibles. C'est toujours ça, là, cette question. On voit des très faibles variations de porosité de la roche. On voit dans les lacs qu'il y a au fond du cratère, on voit des différences, des variations de température et de pression qui semble annoncer, mais là, dans l'occurrence, ce volcan qui est surveillé, voilà, oui, c'est ça. On n'a absolument rien mesuré, aucune alerte. Voilà. Même s'il y a bien un sismomètre qui est installé sur le sommet de ce volcan et qui donc enregistre ce qu'on appelle le trémor volcanique. Voilà, c'est une espèce de grondement un peu continu, ce grondement sismique continu qui est de très faible intensité. Hein, ça ne provoque pas des séismes au sens où nous on les entend. Voilà, et qui sont liés au choc que provoque le magma, les roches et les bulles de gaz qui remontent dans la cheminée du volcan. Et voilà, et donc ce sismomètre enregistre ce tremor. Toutes ces données, le sismomètre a d'ailleurs été détruit dans l'éruption cette fois-ci, mais tous les enregistrements ont été conservés évidemment, et toute la communauté scientifique a accès, vous savez, à ces enregistrements-là. Donc voilà, et c'est comme ça que ces chercheurs se sont intéressés et ont essayé de voir si dans cet enregistrement de trémor, on pouvait déceler quelque chose qui aurait dit que, voilà, et ils ont trouvé. Enfin, ils semblent avoir trouvé. Alors justement, pourquoi s'être retourné vers l'influence de la Lune? Quel est l'indice, la puce qu'ils ont eu derrière l'oreille pour aller chercher de ce côté-là? Tout simplement parce qu'effectivement, on sait que la Lune a une influence gravitationnelle quand même, voilà, y compris sur la roche, même si elle est très très très très très faible. Et puis dans ces volcans-là, il y a de l'eau, il y a des poches de gaz, il y a du magma qui se déforme beaucoup plus qu'effectivement que la roche. Et on se demandait si la Lune pouvait avoir une influence. Et effectivement, quand ils ont regardé les enregistrements, ils ont décelé, à peu près 3 mois avant l'éruption, une certaine modification du signal qui semblait montrer que la Lune modulait le signal, le trémor. Voilà. Alors, bon, d'après eux, est-ce que ça peut être effectivement totalement fortuit? Est-ce que c'est une corrélation comme, par exemple, l'augmentation de la consommation de margarine dans le Maine, liée, par exemple, au nombre de noyades dans une piscine, dont on avait parlé ici? Eh ben, ce n'est pas totalement impossible, mais théoriquement, il y a une chance sur 3,5 millions que ça soit le cas, donc quand même. Donc, les probabilités vont plutôt dans le sens d'une causalité qu'une simple corrélation. Vont dans le bon sens. En fait, ce qu'ils pensent, parce qu'après, ils ont fait un modèle, ils ont fait des simulations numériques, c'est qu'effectivement, il faut imaginer, parce que c'est plus facile avec les schémas, mais que les lecteurs trouveront dans le numéro de Pour la Science, voilà, que dans la cheminée, vous avez le magma qui monte et qui descend. Au-dessus, vous avez une sorte de bouchon et une poche de gaz qui se forme, voilà, sous le cratère du volcan. Et voilà. Et si les forces de la Lune sont capables de modifier, par exemple, de faire monter le magma même d'un centimètre, la pression sur cette poche de gaz augmente quand même de façon telle que ça peut jouer, surtout si, comme ça arrive très régulièrement dans ce genre de volcan, au bout d'un moment, le fond du lac devient totalement imperméable, parce qu'il y a des dépôts d'argile et d'autres sédiments, qui rendent du coup tout imperméable, il n'y a plus d'élasticité et ça pète. Voilà. Mais il faut dire que encore une fois, c'est pas juste. Ils ont analysé des données, des quantités astronomiques, voilà, de 12 ans de données. Sur 12 ans d'études, voilà. Et maintenant, c'est pour ça que le taux de vraisemblable de vraisemblance est relativement élevé. Et c'est pas juste une corrélation à un moment M. Et puis de toute façon, ils continuent leur recherche. Hein, voilà. Maintenant, ils vont essayer de faire ça sur d'autres volcans. Les données sont pas toujours faciles à avoir parce qu'il n'y a pas toujours d'enregistrement. Donc voilà. Ils se demandent aussi si tous les volcans, en fonction de leur position sur le globe terrestre, seraient sensibles de la même façon ou pas. Peut-être pas. Enfin bon, voilà. Donc mais ils continuent parce que ce qu'ils aimeraient évidemment, si leur étude est vérifiée, c'est de pouvoir mettre au point un instrument de surveillance qui permettrait d'alerter à temps. Voilà. Et puis après, maintenant, ils ont un autre projet aussi, c'est de vérifier si la Lune n'a pas une influence sur les plaques tectoniques, comme quoi l'espoir est le moteur du chercheur. Oui, ils veulent étudier deux volcans, je crois, au Costa Rica. Exactement. Et la question, c'est qu'effectivement, comme ce sont des corrélations ou des signaux très faibles, c'est qu'on puisse soit des signaux suffisamment fiables pour qu'on ne donne pas des ordres d'évacuation simplement comme ça. Évidemment, c'est toujours le problème, que ce soit avec les tremblements de terre d'ailleurs ou avec les éruptions volcaniques, on a toujours ce même problème-là. Vous savez, on dit tout le temps qu'à San Francisco, le jour où il y aura le Big One, on n'est pas sûr qu'on préviendra la population parce qu'il y aura peut-être plus de morts par la panique que par le tremblement de terre lui-même. Donc. Olivier. Et ce qui est troublant avec une étude comme celle-là, c'est qu'elle montre bien à quel point, effectivement, la surveillance des volcans est extrêmement complexe et l'alerte à donner, on ne sait pas à quel moment il faut alerter les populations. Et les volcans, bien que ce soit des édifices géologiques qui existent depuis des centaines de milliers, de millions d'années, etc., on n'y arrive pas. L'Etna, le Vésuve, tout ça, c'est monitoré. Mais on sait que si l'éruption survient, on ne pourra la détecter que dans les moments les plus proches de l'éruption elle-même. Oui, et puis même justement, je crois que c'est l'année dernière, au mois de janvier, il y a eu une éruption, même type d'éruption au Japon, un volcan qui s'appelle le Kusatsu Shiran, si je prononce bien, voilà, même type d'éruption phréatique. Et le volcan, alors comme on le sait, les Japonais sont très forts, hein, très en avance sur la surveillance des tremblements de terre et des volcans. Et là, ils n'ont rien vu venir, mais le volcan n'avait pas donné de signe de réveil depuis 3000 ans. Mais alors, du coup, je vais revenir à ma question initiale. C'est si, puisque la Lune peut avoir une influence sur les volcans, ça veut bien dire qu'elle a une influence sur la pousse de mes cheveux. Des miens, ce serait mieux. Hein. Je voudrais pas désespérer Olivier, mais il va falloir trouver autre chose. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et pour conclure ce premier tour de table de l'année, nous allons aller lire dans l'esprit de Néandertal. Alors, pas de spiritisme, pas de planche Ouija autour de cette table, non. Comment faire, allez-vous me dire, pour lire dans le cerveau d'une espèce disparue depuis 40 000 ans? Eh bien, tout simplement, le rasoir de Cam, en reconstituant un mini-cerveau, en l'occurrence, de Néandertalien, un organoïde, puisque c'est le nom consacré, on sait bien faire, des petits organes avec un seul type de cellules en laboratoire, on sait très bien le faire sur Homo sapiens. Eh bien, là, on a essayé, des chercheurs, Olivier, ont essayé de reconstituer cet organoïde, ce cerveau, ce mini-cerveau à partir du séquençage génétique dont on dispose de Néandertal. Oui, c'est un travail qui est très surprenant, alors qui est à lire dans un papier de notre journaliste Rachel Mulot dans le dernier numéro de Science et Avenir. Elle est allée rencontrer le scientifique qui est à l'origine de cette démarche. C'est un généticien qui est originaire du Brésil, mais qui travaille aujourd'hui à l'université de San Diego en Californie. Et effectivement, il travaille à mettre au point depuis 4 ans maintenant ce qu'on appelle un peu facilement et un peu rapidement des mini-cerveaux néandertaliens. Donc c'est à la croisée de plusieurs sciences. D'abord celle des organoïdes, comme vous l'avez dit Nicolas, développer des organoïdes, c'est-à-dire des mini-organes in vitro à partir de cellules vivantes qui se développent de façon à ce qu'elles ne reproduisent pas l'organe de façon comme un modèle réduit, mais elles sont plutôt là pour travailler par mimétisme et reproduire de façon non pas approximative mais proche, pas exactement, c'est pas du copier-coller, quoi. Hein. Mais par exemple, si on prend l'exemple du cerveau, puisque notre ami brésilien travaille sur un cerveau, on retrouve pas le mini cerveau en forme de noix dans la boîte de Pétri. Il y a même pas la distribution géographique à l'intérieur qu'on voit à l'intérieur d'un cerveau normal, avec des zones qui seraient dédiées à la perception visuelle, d'autres au développement moteur, etc. Là, on a quelque chose qui est de la taille, grosso modo, d'une lentille. Ça fait 1,5 centimètre, oui. Oui, à peu près. Mais qui est quand même constitué de neurones qui se sont agglutinés, qui se sont développés par couches, comme c'est le cas dans un véritable cortex, et qui donnent une structure biologique qui est vivante. Alors ça fait un peu docteur Paléo Frankenstein quand même, cette histoire. Comment est-ce qu'on fait ? Quel est le point de départ déjà ? Pourquoi cette volonté de reconstituer des organoïdes de cerveau néandertalien ? Qu'est-ce que ça peut nous apprendre ? Alors la démarche des organoïdes en général, là elle rencontre celle qui consiste à vouloir reproduire celle d'une espèce disparue. L'idée de recréer un cerveau ou un mini-cerveau ou un organoïde de Néandertal, ce serait d'essayer de comprendre comment fonctionnait l'esprit de Néandertal. Et par là même, d'établir des suppositions, mais là on est en plein dans cette problématique de la causalité et de la corrélation que vous évoquiez tout à l'heure, des raisons pourquoi Néandertal a disparu d'une façon si abrupte et si peu expliquée encore aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi Néandertal, il y a 40 000 ans, a laissé la place à Homo sapiens, alors que pendant longtemps, ils ont vécu ensemble, ils ont partagé les mêmes terrains. On peut rappeler, et j'aime bien toujours rappeler cette histoire, c'est que Néandertal a vécu sur notre planète plus longtemps qu'Homo sapiens. C'est-à-dire que le règne de Néandertal était plus long qu'Homo sapiens au jour où on parle maintenant. Homo sapiens a vécu moins longtemps que Néandertal. Oui, c'est très troublant. Il y a cette très belle expo, là, encore pour quelques jours, au Musée de l'Homme sur Néandertal, qui permet de toucher un peu du doigt ce cousin extraterrestre, hein, avec lequel on a partagé la Terre pendant tellement de temps. Et voilà, mais on ne sait pas, on ne sait rien de lui. Alors, pendant longtemps, Néandertal a eu l'image d'un aimable demeuré. On a basculé, on est dans un paradigme complètement différent, puisque justement, on voit qu'il a développé une forme d'art, hein, puisqu'il y a des dessins, il y a de l'art pariétal, il y a des dessins sur des murs de grottes. La grotte de Bruniquel aussi. Il y a des bijoux, il enterrait ses morts, donc il avait une forme de spiritualité. Alors, des chercheurs se demandent comment il réfléchissait, comment il pensait. D'où cette idée de cultiver ces neurones en, évidemment, travaillant à partir d'un génome qui est celui de Néandertal. Et c'est s'ils arrivent, si l'équipe de Alison Muetri, qui s'appelle comme ça ce généticien, est arrivée à faire cela, c'est parce que depuis quelques années, depuis une quinzaine d'années, on est arrivé à séquencer le génome de Néandertal au travers de différents fossiles qui ont été découverts en Europe et en Asie. Et ces génomes ont permis d'être comparé à ceux au génome de l'homme moderne, d'Homo sapiens. Ce faisant, on a découvert évidemment énormément de gènes qui différencient, qui sont différents entre le génome de l'un et le génome de l'autre. Et Alison Muetri a décidé de se focaliser uniquement sur quelques gènes, uniquement trois, qui ont un rôle particulier dans le développement neural. Ce faisant, c'est déjà un premier biais quand on dit qu'il construit un mini-cerveau de Néandertal, puisqu'il ne s'est intéressé qu'à une différence minime, qu'il a quand même réussi à répercuter dans ses organoïdes, en utilisant évidemment CRISPR-Cas9, qui est devenu l'incontournable des biologistes depuis que, en 2012, Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, voilà, on fait ce papier dans Science pour montrer à quel point il était facile d'usage. On va remettre le lien vers une émission qui était la première, oui, qui était la première. Voilà. On va vous remettre le lien sur le fil Twitter, l'émission que vous aviez consacrée, Olivier, à CRISPR-Cas9. Et donc, du coup, alors l'idée, c'est de prendre des cellules embryonnaires, de réintroduire les mutations néandertaliennes, ces trois mutations. Et de voir comment ces cellules se développent. Ils sont partis de cellules extraites de l'homme moderne, mais c'est-à-dire de Monsieur Tout le Monde, certainement des gens du labo, enfin n'importe qui. Et ces cellules ont été reprogrammées pour faire un petit voyage dans le temps. On sait faire ça maintenant. C'est les cellules pluripotentes induites. C'est-à-dire qu'on part d'une cellule de peau, par exemple, et on la fait revenir en arrière pour qu'elle redevienne une cellule souche. Et c'est cette cellule souche qui a été éditée avec la technique de CRISPR-Cas9, c'est-à-dire qu'on est allé voir dans l'ADN de ces cellules, on est allé repérer le gène particulier qui avait été repéré comme étant différent de celui des Néandertals. Ce gène, chez l'homme moderne, dans cet ADN de cellules souches de l'homme moderne, a été retiré façon Lego, pour ensuite la place vacante, la place libre a été occupée, a été remplacée par le nouveau gène tiré de Néandertal. À l'arrivée, on a une cellule souche éditée, néandertalisée, et c'est celle-là qu'on a utilisée dans des bouillons de culture, des bains de protéines. Alors ça, Yves Salfaire, ça c'est la méthodologie des organoïdes, celle qui est utilisée. Alison Miotry n'est pas le seul scientifique aujourd'hui à utiliser cette technique qui est extrêmement populaire dans quantité de labos dans le monde, qui a été développée plutôt en Autriche d'ailleurs, oui, si je ne m'abuse. Et on l'utilise pour faire pour travailler sur le foie, le cerveau, quantité d'organes. Donc ils sont nombreux à faire ça. Lui a décidé de faire cette forme de chimère en l'adaptant à Néandertal, mais même là, il n'est pas le seul. Et alors, du coup, on fait réévoluer ces cellules vers, pour les spécialiser à nouveau en neurones, on obtient ces organoïdes. Et qu'est-ce qu'on y trouve alors dans ces organoïdes, dont on appelle ça des néandéroïdes? Alors, c'est lui qui appelle ça, parce que Alison Miotry, il est très... lui, il a le gène du marketing, je pense. Et il a su labelliser ses organoïdes avec des noms qui vont bien. Et effectivement, quand tu regardes ça au microscope, on se rend compte, on voit les cellules, on voit les neurones. Et elles diffèrent de celles de l'homme moderne visuellement, physiquement. Celles de l'homme moderne, elles sont bien rondes. Il y a un grand nombre de connexions synaptiques entre les différentes neurones. Celles de Néandertal, elles ont plutôt une forme de popcorn. Il le dit comme ça. On avait le bonhomme de neige spatial tout à l'heure. Là, c'est la neurone popcorn. Et elle a beaucoup moins de connexions avec ses voisines. Et moins de connexions synaptiques. Et cette structure-là, ils la comparent à celle qu'ils obtiennent avec des cellules, avec des neurones qui viennent de personnes atteintes de syndrome autistique ou parce qu'ils ont travaillé sur des problèmes neuropsychiatriques. Est-ce qu'on n'est pas sur un terrain un peu glissant là tout de même? Alors complètement, on est complètement sur un terrain glissant parce que le climax de l'affaire, c'est que Alison Miotry dit, je constate qu'il y a des différences, mécaniques, dynamiques, visuelles entre l'organoïde néandertalisé et l'organoïde d'Homo sapiens. Mais en quoi ça modifie le fonctionnement de ses cerveaux? Alors là, il a une idée qui est digne de Robocop, puisqu'il connecte ses organoïdes avec des petits robots, qui sont des robots en forme de crabe, en gros, parce qu'ils ont plein de papates. Et ces robots sont activés par les signaux électriques qui sont produits par les organoïdes. Et ils regardent comment le robot crabe activé par les signaux électriques de l'organoïde néandertalisé va fonctionner différemment de celui qui est activé par l'organoïde d'Homo sapiens. Et il prétend avec ça déterminer des différences de fonctionnement, parce qu'aujourd'hui il est sur des organoïdes, mais il se présente lui-même comme étant un scientifique sans tabou, et si demain il pouvait faire pousser toujours un peu peur les scientifiques sans tabou, un cerveau en entier, il le ferait. Mais il faut préciser qu'il n'est pas tout seul à travailler là-dessus. Enfin, je veux dire, au sein de son labo évidemment, mais il y a ailleurs dans le monde, et notamment le fameux Max Planck de Leipzig en Allemagne, il y a le scientifique Sven Pabo, qui est vraiment le pape de Néandertal. Le pape, voilà. Oui, c'est ça. Et qui a fait des travaux qui sont aussi un peu troublants, où il a travaillé sur des gènes néandertalisés qui permettaient de provoquer un développement de la face, des os de la face, façon Néandertal chez des souris. Et lui aussi travaille sur des organoïdes néandertalisés. Ça fait vraiment un peu paléo-Frankenstein quand même, tout ça. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a quand même tellement dans la présentation que vous venez de faire, tellement de biais qui moi me sautent au visage tellement vite qu'on se demande vraiment à quel type de conclusion on peut aboutir, Cécile. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous, Nicolas, mais il faut pas oublier que la technique des organoïdes est en soi quand même très intéressante. Bien sûr, mais c'est pas cette technique-là qui est remise en cause. C'est néandertalisation sur la foi de trois gènes qui seraient les seuls à pouvoir modifier la structure neurale. Enfin, on est quand même. Oui, mais ça. Presque penser que c'est anecdotique. Juste pour rappeler quand même que cette technique, qui peut aussi paraître Frankenstein, de refaire des petits cerveaux comme ça in vitro, est quand même vraiment très intéressante parce qu'on arrive effectivement à faire un modèle 3D de quelque chose qui ressemble à un bout d'encéphale, un embryon de 10 semaines. C'est pas rien. Et ça permet de faire des choses, effectivement, typiquement d'essayer de voir, par exemple, comment le virus Zika, oui. Voilà, vous savez, qui provoque des microcéphalies, comment il peut rentrer dans le cerveau des embryons et qu'est-ce qu'il provoque. Ça peut aussi permettre de tester des médicaments qu'on peut que sur des cellules humaines et pas chez des souris parce que ça marche pas pareil. Enfin, il y a beaucoup de choses quand même qu'on peut essayer de voir. Évidemment, sur les organoïdes, ça, personne ne conteste cette méthodologie ou ce type d'expérimentation là. Les questions, en tout cas les doutes, c'est plutôt sur les conclusions qu'on peut tirer. Vraiment, est-ce qu'on peut tirer des conclusions? Je crois qu'en l'état actuel des choses, on peut pas en tirer. Voilà. Après, il y a une démarche scientifique qu'on peut juger hardi ou sans tabou. Moi, c'est le mot sans tabou chez les scientifiques qui me fait toujours un petit peu peur. Oui. Mais on pense forcément à Canavero. On pense à Canavero. On pense au docteur chinois qui a fait du CRISPR sur les jumeaux pour leur inoculer la variante du gène qui protège contre le VIH. Enfin, on pense tout ça. Et d'ailleurs, Alison Méotry n'a pas publié. Bon. Il a fait une conférence à l'université de San Diego qui a été fortement médiatisée, mais il ne l'a pas publiée. Mais bon, Cécile, par ailleurs, effectivement, les conclusions, on va voir, mais on est très, très, très, très loin de faire un cerveau entier in vitro, quoi qu'il arrive. Parce que ces organoïdes ne sont pas vascularisés pour le moment. Pas vascularisés, il n'y a pas d'axe de symétrie. Il n'y a rien de tout ça. Allez, il nous reste quelques secondes pour faire un petit tour de table. J'ai envie de vous demander, puisque c'est la première émission de l'année, qu'est-ce que vous attendez scientifiquement de cette année 2019? Est-ce qu'il y a un événement ou des événements, mais un, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, Cécile, que vous attendez particulièrement, que vous avez guetté? Alors, deux. Sur le plan culturel, on va dire, voilà. J'attends l'exposition sur la peau qui aura lieu au Musée de l'Homme. Voilà, ça m'intéresse beaucoup de voir ce qu'ils vont pouvoir dire de cet organe que tout le monde connaît, évidemment, mais qu'on connaît si peu. Voilà. Et par ailleurs, je suis, pour des raisons plus personnel, je suis assez intéressée de savoir qu'est-ce que va donner Bertie. Bertie, c'est un outil d'intelligence artificielle que le journal Forbes a annoncé mettre en place pour ses journalistes. Et Bertie, tous les matins, permettrait on va permettre d'abord de donner des idées de sujets, de donner des liens directement et des photos, et même d'écrire une sorte de brouillon de papier d'article avant même qu'on ait touché la première touche du clavier. Ça m'intéresse. Ouais, Olivier, si je repars en Antarctique l'année prochaine, c'est pas vous du tout qui allez venir, c'est Bertie. Ben, je vois ça. Ouais. Allez, Olivier, un mot pour 2019. Il y a une grosse expo sur Toutankhamon qui va avoir lieu à Paris. Là, je pense que ça sera très très excitant. Titre à voir. Voilà. Sébastien ? Donc en 2019, on devrait pouvoir admirer la première photo du trou noir supermassif central de notre Voie lactée. Sagittarius à l'étoile. Exactement. Donc ça va être la première photo d'un trou noir jamais réalisé, parce que jusqu'à présent, leur détection a été indirecte. Mais il y a une forte chance que ce sera un moment important qui va définitivement marquer l'histoire de l'astronomie. Eh ben, je ne sais pas pourquoi vous prenez cette voix de méchante dessin animé pour me dire ça. On va vous remettre le lien. Non. On va vous remettre le lien. On avait consacré une émission entière à Sagittarius à l'étoile. On vous met le lien tout de suite. Merci beaucoup, Sébastien. Vous avez fait une vidéo sur Change 4 sur les Sense of Wonder. Pas sur les Sense of Wonder, sur la chaîne String Theory. Oui, String Theory, tout à fait. Absolument. Et sur les Sense of Wonder, on a une vidéo qui vient de sortir sur les amas globulaires, qui sont ces grosses boules de qui contiennent des centaines de milliers d'étoiles. Et c'est vachement bien. Olivier Lascar, Indiana Jones à la une de Science et Avenir du mois de janvier. L'Arche perdue, fouille en Israël, le vrai et la légende. Et Cécile, pour la science? À la une, et si la gravité n'était pas quantique? Ça embêterait quelques physiciens. Et oui, on va y consacrer une émission aussi, avec Elie Düring notamment, qui publie quelque chose d'assez passionnant à ce sujet. Merci beaucoup à tous les trois. Un mot pour vous dire que vous pouvez réserver d'ores et déjà votre samedi, pas demain, le samedi prochain, le 12, passer votre samedi en compagnie des producteurs et de France Culture dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour le premier forum L'année vue par les savoirs. On va se poser la question, non pas du réchauffement climatique, mais de comment faire pour vivre après dans un monde post-réchauffement climatique. C'est gratuit, vous pouvez venir, mais il faut s'inscrire sur franceculture.fr ou sur maisondelaradio.fr. On vous met là aussi le lien sur le fil Twitter de l'émission. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, c'était Élise Leu à la technique. Un mot pour vous donner le programme de la semaine prochaine. Lundi, nous parlerons de grève d'organes, mardi des courants marins, mercredi des civic tech, du renouveau de la démocratie numérique. Jeudi, nous recevrons Sébastien Balibar et vendredi, nous aurons la chance de recevoir le grand auteur et dessinateur de science-fiction, Philippe Curval. Voilà, demain à 16h, ce sera Étienne Klein pour la conversation scientifique. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.